France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'était le blé qui était le sujet du deuxième épisode de la série qu'en 1980, la communauté des radios publiques de langue française consacrait à l'épopée des matières premières. C'était sous un angle économique et politique qu'on avait choisi d'y raconter l'histoire de cette céréale dont la culture est apparue dans le croissant fertile 8 millénaires avant notre ère. C'était les mécanismes du marché mondial du blé, dominé par les États-Unis, que s'appliquaient à analyser les invités de l'émission que nous allons entendre. Ils nous disaient notamment comment enjeu économique, première des céréales, dans les échanges commerciaux internationaux, le blé avait été aussi, dans bien des cas, une arme politique. L'épopée des matières premières, deuxième des 10 épisodes, Le Blé, une émission diffusée la première fois, le 19 août 1980, avec la participation de Michel Gervais et Hélène Delorme de l'Institut National de la Recherche Agronomique et celle de René Dumont. Communauté radiophonique des programmes de langue française. L'épopée des matières premières. Une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Montage Micheline Noël. Aujourd'hui, le blé. Il y a moins de 2 ans, les Parisiens ébahis pouvaient contempler les richesses de la collection Hammer. Quelques-uns connaissaient l'origine de cette fortune fabuleuse. En 1921, c'est la disette en URSS. Lénine fait appel aux États-Unis. Un jeune médecin émigré, membre fondateur du PC américain, Armand Hammer, affrète un navire et fait parvenir au régime bolchévique $1 million de boisseaux de blé. Insolvable, les dirigeants le laissent se servir dans les splendides collections abandonnées par les tsaristes. Goya, Rubens, Malevitch, Van Dyck, le jeune Américain se trouve à la tête d'une des plus grandes collections privées du monde. Aujourd'hui, Hammer est milliardaire. À 80 ans, il se rend toujours en Union soviétique. En avril 1973, 52 ans après sa première affaire, il a négocié et conclu pour la compagnie pétrolière qu'il possède, l'Occidental Petroleum, un contrat de $8 milliards, portant sur l'exploitation de gaz et de pétrole soviétique pendant 20 ans. En 1921, Hammer inaugurait un style. Face aux mauvaises récoltes chroniques de la Russie, le secours des miraculeuses terres de la grande plaine américaine. Toute considération idéologique et politique mise à part. « 7 décembre 1975. Le président de la commission du plan et du budget au Soviet suprême, Grigori Vachenko, prend la parole devant ses collègues. On s'apprête à s'assoupir pour une bonne heure, quand sur un ton bénin, le président annonce sans crier gare que la récolte de céréales du pays est inférieure de 8% à la moyenne prévue par le plan 70-75. C'est le plus important échec agricole depuis la récolte désastreuse de 1963. » Consternation. Sur les 215 millions de tonnes escomptées, la production atteint à peine 165 millions de tonnes et l'URSS devra encore faire appel aux grandes compagnies américaines. Mais d'après vous, René Dumont, comment se fait-il que l'agriculture soviétique fournisse si peu de blé ? Alors là, c'est une longue histoire. Il y a d'abord l'histoire du climat. Si vous regardez le climat de la majorité de l'Union soviétique, ce sont des pays à la fois très froids et très secs. On a souvent comparé les États-Unis à l'agriculture soviétique. La comparaison est mauvaise. La comparaison serait meilleure avec le Canada, le climat. des soviets et dans l'ensemble un climat canadien, sauf une petite partie du sud. Mais le Canada a 22 millions d'habitants et l'Union soviétique en a 260 millions, première observation. Deuxième observation, il y a l'histoire de l'agriculture soviétique qui est très en retard, un siècle de retard sur l'agriculture de l'Europe occidentale, en 1913. Troisième observation, et non la moindre, il y a une lutte constante entre la majorité des paysans russes, ukrainiens, géorgiens, enfin de tous les peuples qui peuplent l'Union soviétique, et le pouvoir soviétique. Cette bagarre, pouvoir soviétique et paysan, commence dès 1918. Dès la première année de la Révolution, l'armée rouge manque de grains, les villes manquent de grains, on envoie dans les campagnes des colonnes de réquisition ouvrière qui vont chez les paysans chercher où sont leurs réserves de grains et leur prennent quelquefois tout, même ce qu'il leur faudrait aux familles paysannes pour manger ou même pour semer le champ à la campagne suivante. Alors évidemment, première observation. Deuxième observation, on a dû relâcher la pression sur les paysans et c'est la NEP de Lénine qui permet aux paysans de se réinstaller en tant que paysans, de vendre ses produits comme ils le désirent. Nouvelle économie politique qui rétablit le volume de l'agriculture soviétique en 1929. À ce moment-là, Staline intervient et collectivisation forcée de l'agriculture soviétique, forcée par la force des armes, par la force de la répression policière, avec massacre des koulaks, des paysans riches et même des paysans moyens, et même dans certains cas des paysans pauvres, un des plus grands génocides paysans de l'histoire. Et le paysan, en réaction, abat la moitié du cheptel soviétique, massacre ses cochons, ses vaches même, pour les manger, pour ne pas les apporter au kolkhoz. Et on peut dire qu'aujourd'hui encore, en 1979, l'agriculture soviétique ne s'est pas remise du traumatisme que lui a fait subir cette collectivisation forcée. Donc, l'agriculture soviétique, évidemment, produit plus qu'en 1913, mais n'a pas suivi la population et ne suffit pas. Remarquez que, si on regarde le volume de blé produit par la Russie, elle suffit, le volume de céréales, elle suffit si la Russie mangeait comme en 1913, beaucoup de pain et peu de viande. Mais les Russes ont pris l'habitude de manger beaucoup de viande. Le gouvernement soviétique, il ne leur laisse pas la liberté de leur laisser quand même un certain niveau de vie. J'allais dire que la viande est un ersatz de liberté, si l'on pouvait s'exprimer ainsi. Et par conséquent, pour fournir cette quantité de viande que réclame le consommateur soviétique, il lui faut importer massivement du blé, du maïs des États-Unis. Qu'en pensez-vous, Michel Gervais ? Bon, voilà un pays qui connaissait des famines plus grandes sous l'ancien régime que sous le régime qui se prétend socialiste. Mais en même temps, c'était un pays qui exportait du blé. La France de 1910 faisait venir son blé non seulement d'Algérie, mais aussi, en grande partie, d'Odessa et d'Inde. C'est assez amusant, parce que ces gens-là étaient déjà au bord de la famine quand ils n'étaient pas complètement en train de mourir de faim. La révolution arrive en Russie, il n'y a plus d'exportation. Bon, c'est pas uniquement parce qu'ils ne savent pas produire du blé sur leur kolkhoz. Ça, c'est vrai, ils n'ont pas réussi à mettre au point des systèmes de production à haute technicité comme les nôtres. Ils n'arrivent pas à faire 40 quintaux l'hectare. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas organiser l'agriculture sur une base qui copie l'organisation économique capitaliste industrielle. La voie américaine que Lénine voulait imposer à la Russie, c'est-à-dire la copie de ce qu'il croyait être des usines à blé dans le Middle West, a échoué. Parce qu'il vaut beaucoup mieux avoir une exploitation familiale où les gens possesseurs de leurs moyens de production sont à l'affût de l'application de techniques qui leur coûtent parfois fort cher, mais qui protègent à la fois l'autonomie de leur famille et d'une certaine façon leur niveau de vie. Juillet 1972. Deux hommes traversent le hall de l'hôtel Regency à New York. Ce sont les deux principaux dirigeants de l'Export Club, agence du gouvernement soviétique chargée des transactions avec les pays étrangers pour les questions céréalières. Leur mission : acheter 20 millions de tonnes de blé au meilleur prix en évitant toute publicité. Nikolaï Belousov, grand, mince, quinquagénaire, parle anglais avec un léger accent. Son adjoint, le sémillant Leonid Kalitenko, a 42 ans. Ils ont tous les deux participé aux premières grandes transactions entre l'URSS et les USA en 1963 à Ottawa. « Comment se présente actuellement le commerce mondial du blé? Qui importe et qui exporte? De plus en plus, les céréales représentent le principal produit échangé entre les pays. La proportion de céréales échangées entre pays tourne autour de 20% du commerce de produits agricoles mondial. C'est le riz qui est la céréale la moins commercialisée entre les pays, le blé qui fait l'objet d'échanges le plus intenses, le maïs et l'orge faisant l'objet d'échanges internationaux représentant 10% du commerce des céréales. Ce commerce international, donc, de produits des céréales, qui constitue une part croissante du commerce des produits agricoles, est également concentré par un petit nombre de pays exportateurs. Dans le monde, quasiment tous les pays importent des céréales, mais seulement 6 pays, les États-Unis, la France, le Canada, l'Australie, l'Argentine, exportent des céréales. Ces 6 pays, à eux seuls, contrôlent 80% des exportations mondiales de céréales. Pour la France, on peut indiquer que la moitié environ de la production de céréales est vendue à l'extérieur, dans la CE ou hors de la CE. Au niveau de la production, s'observe au contraire un mouvement de dispersion dans l'ensemble des pays du monde. Tous les pays du monde produisent des céréales, tempérées ou tropicales, et la part qu'ils prennent à la production mondiale témoigne d'une remarquable stabilité depuis 50. Dans tous les pays du monde, autrement dit, la production tend à augmenter à des rythmes certes différents, mais qui ne modifie pas le partage de la production entre tous les pays du monde. Juillet. Nikolaï Bilouzov téléphone à Manhattan, au luxueux bureau de Michael Fribourg, propriétaire de la Continental Grain Company. Cette société traite 25% du marché international des céréales et possède une centaine de sociétés annexes allant de la cuisson industrielle du pain à la vente de dîners froids. Mais ce matin-là, Bilouzov n'a pas de chance. Fribourg est à Paris. C'est donc un de ses concurrents qui aura la primeur des coups de téléphone du soviétique. Bilouzov compose en effet un numéro à Vaziat, dans la banlieue de Minneapolis. Son nouveau correspondant décroche dans un château de 63 pièces, copie fidèle d'un manoir français, quartier général de la société Cargill. Propriété de deux familles, les Cargill et les Macmillan, Cargill est la plus importante société privée des États-Unis. Avec 5 milliards 27 millions de dollars de ventes annuelles en 1972 et 9 milliards en 1975, cette firme est le symbole vigoureux des capacités digestives des consommateurs américains. Cargill domine le marché mondial tant par l'importance de ses ventes que par l'extrême diversification de ses activités qui vont des fabriques d'anchois péruviennes aux compagnies d'assurance. Aujourd'hui, la compagnie possède des antennes dans 34 pays et ses opérations avec l'étranger sont traitées par une filiale suisse, Tradax, installée à Genève. Premier exportateur de blé, de maïs et d'orge argentin, Cargill, associé à Continental, contrôle depuis 1935 pratiquement toutes les exportations de blé canadien. Véritable conglomérat possédant des fabriques de transformation de soja en Espagne, en Allemagne de l'Ouest, en Belgique et en France, la firme du Minnesota utilise également, avec une habileté consommée, toutes les opportunités politiques. Au total, 6 compagnies privées seulement contrôlent le marché mondial des céréales et 90% des exportations américaines. La stratégie de ces sociétés est planétaire et multiforme. Par exemple, de 1971 à 1972, elles exportent 600 millions de dollars en céréales dans le Chili d'Allende. En 1973, manque de crédit et plus de blé pour ce pays. Le mécontentement des couches moyennes grandit. On connaît la suite. Ces firmes ont une structure d'intégration extrêmement étendue. Contrôle des plantations, main sur le marché des transports, stockage, gestion des silos dans les ports et un réseau d'informations envié par la CIA elle-même. Ce milieu est extrêmement lié à l'administration. Earl Butz, directeur de trois compagnies liées aux affaires agricoles, rejoindra l'administration Nixon pour maintenir le gouvernement en dehors des problèmes agricoles. Clarence Palmby, ancien laitier, est vice-président de Continental. Il était, avant 1972, vice-secrétaire d'État à l'agriculture, contrôlant l'USDA, organisme chargé d'attribuer les subsides gouvernementaux aux exportateurs en fonction des cours mondiaux. Je comprends bien, tout le commerce du blé est entre les mains de gigantesques monopoles, du moins aux États-Unis. On est forcé de se garder contre deux vues trop simplistes, quoi. L'une qui consiste à dire il y a cinq grands monopoles américains qui affament le monde. Bon, alors ça, c'est appuyé sur une donnée simple. Et effectivement, Cargill, Bunge, Continental Grain, Louis Dreyfus et Cook Industries, à eux cinq, représente 90% des exportations américaines de céréales, donc 90% de 50% du marché mondial. En plus, si vous prenez les exportations françaises, vous retrouvez Cargill France, qui est le premier, Bunge, qui est le quatrième, Continental Grain France, qui est le troisième, et Cook International, qui est le sixième. Alors si vous ajoutez la présence de ces multinationales dans d'autres pays que les États-Unis, vous faites un discours très facile à diffuser. Cinq gros cigares américains affament le monde, point final. Et parfois c'est vrai, enfin, ça arrive. Le Chili d'Allende en a su quelque chose. Bon. Mais à l'inverse, on peut tenir un discours totalement différent en disant « Ah oui, mais à côté de ces 50-là, vous oubliez que le deuxième français, c'est l'UNCAC, mouvement coopératif. » Vous oubliez que les coopératives américaines viennent de se regrouper, sont prêtes à travailler avec les coopératives européennes. Vous oubliez que les coopératives comme l'UNCAC travaillent avec un Allemand privé. Il y a un accord qui vient d'être passé pour consolider leur place. Vous oubliez que les coopératives font 20% du marché. Vous oubliez que les petits privés en font 20 autres aussi. C'est très diversifié. Vous nous racontez, c'est un tissu idéologique pur, votre truc, c'est pas vrai. Bon, les deux vues sont fausses. Il est vrai que c'est un marché qui, comme tous les marchés, est un lieu de rencontre de gens de puissances très différentes et que la puissance différente de chacun se reproduit sur le marché. C'est-à-dire que dans le fond, tout le monde est d'accord, les petits comme les gros, pour rester sur le marché en restant petits et gros. Parce que chacun bénéficie, ou croit en tout cas ne pouvoir bénéficier, que de sa position actuelle. Alors ils luttent pour rester là et on a un marché très diversifié dans lequel... En plus, les États interviennent parce que le blé, c'est l'alimentation de tout le monde. D'où des négociations continuelles, très difficiles, qui protègent le pouvoir des gros, à condition que les gros soient assez intelligents pour laisser des petits morceaux aux petits. Alors le poids de l'arme du blé n'apparaît que quand des conditions politiques très particulières le permettent, encore une fois, comme effectivement la rupture de l'alimentation chilienne sous l'unité populaire par les bateaux américains. Ça, c'est vrai, ça a existé, mais ce n'est pas la vie de tous les jours. Mais comment de tels monopoles ont-ils pu se constituer ? Le commerce du blé a été d'abord entre les mains des marchands de blé. Il y avait en France des gens qui allaient acheter du blé dans les campagnes et qui le conduisaient sur les villes consommatrices. Dans tous les pays du monde, ça se passait comme ça. Mais peu à peu, ces marchands ont pris plus d'importance, ont abusé de la situation et on a réagi contre ce monopole des marchands. En France, en 1936, le gouvernement de Front Populaire a créé l'Office du blé, fixant un prix minimum pour le blé et empêchant les commerçants de prélever autre chose que le coût de la rémunération normale de leurs services. Mais ensuite, sur le plan mondial, sont développées de très grandes firmes qui ont réalisé non plus le commerce à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, transportant par exemple le blé du tiers-monde, d'Argentine, d'Australie, vers l'Europe, qui était à ce moment-là le grand continent déficitaire. Et ce sont ces grandes firmes qui dominent le commerce aux États-Unis. Elles sont 4 ou 5, Continental Grain, Cargill sont les plus connues. En France, Louis-Louis Dreyfus est la maison la plus connue. Et contre ce monopole international, en 1947, le premier directeur général de la FAO, Sir John Boyd Orr, et le ministre socialiste français de l'agriculture, mon ami Thierry Payjean, avaient voulu organiser une espèce de office international des grandes céréales et des grands produits agricoles. Mais les grandes maisons de commerce étaient assez puissantes pour obliger la FAO, organisme des Nations Unies, à renoncer à un tel projet, de sorte que le commerce des céréales est maintenant bien dans les mains de ces grands commerçants qui ont ainsi un pouvoir allié aux États-Unis, ce qu'on appelle le food power, le pouvoir des aliments, qui peut un jour être une menace extrêmement dangereuse pour l'ensemble du tiers-monde. Juillet 1972. Carole Bruntaver, successeur de Palmby à l'USDA, vient de rencontrer Bernard Steinweg de Continental. Il est nerveux et un peu anxieux. Ce patriote est un homme de sang-froid qui aborde toujours une négociation avec prudence, un masque indéfectible sur le visage. Peu cordial, c'est une caricature de fonctionnaire attentif. Mais là, pour la première fois dans son existence, il craint de s'être laissé posséder. Les négociations avec les Russes sont très serrées. Ils finassent, s'éclipsent, se dérobent, puis reviennent, tout sourire, et malgré tout, rien ne s'est encore décidé. En tout cas, le marché que Steinweg vient de lui mettre dans les mains est capital pour la suite des opérations. Le 5 juillet au matin, le camarade Belousov annonce que l'Export Club souhaite acheter 5 millions de tonnes de farine, mailing, 500 000 tonnes de blé dur, durum, et 4,5 millions de feed grain, blé pour bétail. Ironie de l'histoire, une grande partie du blé retenu était du blé dur d'hiver, originaire des champs russes, et acclimaté dans le Kansas par des fermiers fuyant la Crimée. Les contrats de la Continental prévoient que les livraisons seront payées cash à la remise des documents d'affrètement, attestant que les cargaisons seront prêtes à être transportées hors des ports américains. Mais ces ventes ne seront pas contingentées sur le crédit obtenu par l'URSS, rendu public le 8 juillet et portant sur 750 millions de dollars. Mais l'acheminement de toute cette marchandise sur des milliers de kilomètres doit faire appel à une flotte considérable. Ah ben ça c'est un point important parce que si les grands monopoles américains ne sont pas seuls présents sur le marché, ils ont deux avantages par rapport aux autres. Enfin au moins deux, je viens de penser à un troisième. Le premier c'est d'être installé et de savoir manipuler le marché à terme qui règle d'une manière permanente, en somme, les échanges, non seulement jour le jour, mais sur la longue période. Le marché mondial du blé, qui est dans le fond un marché sur lequel se présentent des quantités marginales par rapport à la production mondiale, est un marché qui ne trouve sa stabilité à long terme que parce qu'il y a des opérateurs très spécialisés qui spéculent au jour le jour, non seulement sur ce qu'on peut vendre aujourd'hui, mais sur ce qu'on pourra sans doute vendre dans 3 mois. Et dans le fond, grâce à ça, on peut écréter, si vous voulez, les pointes de stocks invendus ou de déficit immédiat en se prémunissant contre ces pénuries, en achetant aujourd'hui des stocks disponibles dans 3 mois parce qu'on sait que dans 6 mois, il y aura peut-être une pénurie. Bon. Ce système de prévision qui permet d'étaler dans le temps les à-coups du marché, mais qui ne le permet que grâce à la spéculation, il est aux mains des gens les plus forts parce qu'il leur faut un réseau d'informations puissant. Et il est aussi aux mains des gens qui sont constamment présents sur les quelques marchés à terme qui existent. Alors, il n'y en a pas 36 des marchés à terme. Il y a Chicago, Winnipeg et Sydney, qui est moindre. Et puis Londres, qui est un marché d'acheteurs, disons. Bon, alors vous vous retrouvez avec trois marchés de vendeurs, aux États-Unis, au Canada, en Australie, puis un marché d'acheteurs. Bon, il faut être présent sur les quatre et puis savoir manipuler sur ce marché qui est très difficile à manier et qui, dans le fond, vous permet à la fois de gagner en étant un bon spéculateur, mais qui vous fait courir de gros risques. Donc il faut être gros. Bon, alors ça, c'est un avantage soit des grands réseaux coopératifs, soit surtout des grandes maisons de commerce mondiales qui existent depuis la fin du 19e siècle. Bien. Deuxième point, seules les grandes maisons de commerce mondiales possèdent une flotte céréalière ou sont capables de s'allier avec, par exemple, Grace, qui est un conglomérat ayant une flotte importante, la Grace Line, au point que quand l'UNCAC, deuxième exportateur français, cherche à couvrir de gros contrats, il lui arrive d'être forcé de louer des bateaux céréaliers américains. Alors là, ça permet aussi d'avoir des négociations où on se parle les yeux dans les yeux. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des gens qui font ça. Le 5 juillet au soir, l'issue heureuse est fêtée. À la vodka, au domicile de Fribourg, à Manhattan. Chacun se félicite de tant de promptitude et de discrétion, et tout le monde s'accorde sur la nécessité de maintenir le secret le plus absolu sur cette opération. Fribourg évite ainsi toute flambée spéculative sur le blé, et la mission soviétique peut laisser croire en toute quiétude aux dirigeants de Continental qu'ils ont été les seuls hommes d'affaires mêlés à cette opération. Le 6 juillet, au matin, Belousov et son équipe quittent le Regency pour s'installer à l'hôtel Hilton, où ils louent trois chambres à $95 la nuit. Le même jour, dans l'après-midi, le téléphone sonne à Memphis, au bureau de Ned Cook, dont la compagnie contrôle entre 10 et 18% des exportations américaines de céréales. Il est 14h, ce 6 juillet 1972, Barry Saunders de Cargill se tourmente depuis une heure. Il est tellement intrigué par les rapports qui lui parviennent. Continental affrète sans discontinuité des dizaines de bateaux vers les ports russes. Dans quelques instants, Belousov sera dans son bureau. La situation est délicate. Il faut obtenir la quantité nécessaire de blé pour répondre à sa demande, savoir ce que font les autres et fixer un prix sans compromettre la stabilité générale du marché. Oui, justement, comment est-il fixé le prix du blé? Et comment expliquez-vous ces fluctuations? Eh bien, cette fixation du prix du blé dépend justement lors des réglementations locales. Le prix du blé n'est plus laissé au libre jeu de la loi de l'offre et de la demande en ce qui concerne les prix nationaux. Les gouvernements interviennent. En France, je le disais tout à l'heure, c'était l'Office du blé qui avait longtemps réglé ce prix du blé. Actuellement, la communauté économique européenne intervient dans la fixation du prix des produits agricoles et tout spécialement des céréales et particulièrement du blé chaque année. Donc le prix est fixé, mais l'excédent que chaque nation exportatrice veut exporter est livré sur le marché mondial ou alors là joue le libre jeu de l'offre et de la demande. En moyenne, jusqu'en 1972, par exemple, il y avait toujours des excédents de blé, et les États-Unis étaient obligés de prendre des mesures pour empêcher les prix du blé de s'effondrer trop bas. Mais en 1972, à la suite d'une mauvaise récolte en Union soviétique et d'une très médiocre récolte aux États-Unis, il y a eu un déficit mondial, le prix du blé est monté en flèche. En quelques mois, le prix du blé a été multiplié par 3, ce qui a gêné considérablement les pays déficitaires, obligés de s'approvisionner à des prix excessifs. En somme, il y a des règles de prix à l'échelle des nations ou des groupes de nations comme la communauté européenne ou comme les États-Unis, et il y a sur le marché mondial une anarchie qui profite d'ailleurs, cette anarchie, aux grandes maisons de commerce, parce qu'à l'intérieur de cette anarchie, on peut voir se développer des bénéfices spéculatifs extrêmement importants. Quel est exactement le rôle de la spéculation dans tout cela? Quand dans un marché donné, sur un produit donné, il y a des spéculateurs qui, c'est vrai, gagnent un argent fou, c'est généralement que le système de distribution, production et consommation rend nécessaire la présence de ces gens-là. On a un exemple très concret en France. Ça fait 100 ans, depuis qu'on mange de la viande, préférentiellement céréales, qu'on essaye de se débarrasser des intermédiaires et des spéculateurs sur le marché du bœuf. On n'y arrive pas pour la même raison, parce que la structure du marché est la même. Le problème est un ajustement marginal de petites quantités qu'il faut distribuer en fonction des goûts et des besoins de chacun, au jour le jour, dans tous les coins de France, pour que le beefsteak ne manque pas. Alors que font les intermédiaires ? Eh bien, ils sont là pour prendre des risques de façon à savoir d'où peuvent venir des approvisionnements supplémentaires pour faire face à une rupture de stock possible aujourd'hui, dans 3 mois ou dans 6 mois, dans tel ou tel coin qui n'a même pas encore conscience du fait que la rupture de stock va arriver. Bon, ça, c'est un jeu qui permet de gagner gros, parfois de perdre gros. Comment ces intermédiaires détiennent-ils l'information ? Ben, ils sont présents un peu partout, d'abord. Je veux dire, c'est pas par hasard qu'on a M. Cargill, qui est le premier exportateur français. Il y a des gens qui, chez Cargill, sont des spécialistes de la connaissance du marché français. Comment ils vont la réunir ? En faisant un métier d'analyse économique très simple, en étant en contact avec les coopératives françaises, avec la GPB, l'Association Générale des Producteurs de Blé, en lisant les bulletins météo, en étant introduit auprès du gouvernement au niveau des cabinets ministériels. C'est un problème de réseau d'information à établir qui demande du temps, de l'argent, du doigté, toutes choses qui, dans nos sociétés, se payent. À 14h, Belousov signe avec Cargill pour l'achat de 1 million de tonnes de blé dur, rouge, d'hiver. « C'est le plus gros contrat que j'ai jamais négocié dans ma vie », dira plus tard Saunders. À 14h30, il quitte l'hôtel et à 15h15, Ned Cook frappe à son tour à la porte de la suite 4201. Il arrache aux Russes un accord portant sur 300 000 tonnes et leur promesse de partir le surlendemain avec lui pour passer 2 jours à Memphis. Le 7 juillet, au matin, Gérald Louis Dreyfus et ses 2 vice-présidents, Théo Joseph et Patrick Gardner, pénètrent au Hilton. Ils en repartent à l'heure du déjeuner avec un contrat portant sur 750 000 tonnes. Le même jour, la délégation soviétique téléphone à Karl Brasmer, vice-président de la Bunge Corporation, appendice new-yorkais de l'empire financier latino-américain, des familles Bunge et Born. Depuis 2 ans, la firme connaît des vicissitudes. Ses agissements financiers font l'objet d'une enquête aux États-Unis. Et récemment, 2 des frères Born, kidnappés par des guerriers russes argentins, ont été relâchés contre une rançon de 6 millions de dollars. Depuis, le siège de la firme a été transféré au Brésil, où les dirigeants comptent de solides amitiés parmi les hauts dignitaires du régime militaire. Averti par Brasmer, Walter Kellin, président de Bunge, arrive le soir même de Sao Paulo. À 22h30, les 2 hommes rencontrent les négociateurs de l'Export Club et, au petit matin, apposent leur signature au bas d'un contrat portant sur 600 000 tonnes. Nous sommes le 8 juillet. À midi, Belousov, Kalitenko et Sakoun sont installés dans l'avion de Ned Cook et volent vers Memphis avec la perspective d'une détente bien méritée. Au même moment, la Maison-Blanche rend officiel l'accord passé avec l'URSS et portant sur un crédit de 750 millions de dollars pour l'achat de blé. En théorie, ce crédit s'étend sur une période de 5 ans. En réalité, les Russes auront épuisé la totalité de la somme dès la première saison. Les observateurs et l'opinion publique décèlent là le premier indice des grandes manœuvres engagées quelques semaines plus tôt. Le 9 au matin, les Russes descendent le Mississippi sur le yacht de 58 pieds appartenant à Cook et signent un contrat portant sur 300 000 autres tonnes de blé. D'autre part, l'homme d'affaires s'engage à ne pas leur livrer d'épis endommagés et à soumettre les cargaisons qui seront expédiées en Russie à une expertise technique. À 13 heures, la bourse de Chicago, qui reflète toutes les tendances du monde céréalier, cote le boisseau de blé à 2,44 $. Que se passe-t-il au juste à la bourse de Chicago et d'ailleurs pourquoi à Chicago? D'abord, Chicago, c'est une région de production très importante. C'est une région de production très importante puisque c'est la Corn Belt, on dit aux États-Unis, c'est-à-dire la ceinture de maïs des États-Unis. On y produit dans cette région du maïs et du soja. On n'y produit pas tellement de blé. Le blé, on le produit plutôt dans le sud de cette région, dans le Kansas notamment. Et pourtant, la place de Chicago, grâce à sa production agricole, est devenue une place financière d'importance mondiale. Et peu à peu, d'autres produits que ceux autrefois ou actuellement produits sur la région de l'Illinois sont cotés sur ce marché de Chicago. Comment se fixent les prix exactement? Eh bien, il faut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne cote pas à la bourse de Chicago véritablement du grain. Et notamment, on ne cote pas du grain dont on pourrait voir en tout cas des échantillons. On fait des opérations à terme. C'est-à-dire que on vend à une échéance assez lointaine, qui peut aller jusqu'à, par exemple, 18 mois, des quantités de grains qui ne sont donc peut-être même pas encore récoltées et même concernant des surfaces qui n'ont même pas été encore emblavées. Pourquoi des marchés à terme? Eh bien, je crois qu'il est intéressant de se reporter au passé. Au Moyen-Âge, jusqu'à il y a quelques années, on se souvient qu'il y avait des grandes foires d'automne. Ces grandes foires d'automne, eh bien, elles concernaient des agriculteurs, des paysans qui venaient avec leurs récoltes et qui disaient à des négociants ou à des boulangers, des utilisateurs, « Achetez ma production et je vous la livrerai quand vous voulez. Et vous me la paierez au moment de la livraison. » Donc c'était une opération à terme. Par exemple, ils vendaient des quantités qui seraient livrables au mois de février ou au mois de mars suivant. Donc l'origine des marchés à terme, c'est cela. Et cela se passait à la halle au blé. La halle au blé s'est transformée petit à petit, et vers les années 1850, on a vu apparaître les marchés à terme tels qu'ils existent actuellement, et c'est notamment le cas sur la place de Chicago. À partir de 1850, la bourse de commerce de Chicago s'est développée et a pris l'importance que nous savons aujourd'hui. Le 11 juillet, les services économiques de la Maison-Blanche demandent un rapport à Brunthaver sur l'état et l'importance des transactions. Celui-ci ne peut fournir que de vagues indications, sans aucune précision de tonnage. Le 12 juillet, après un crochet par la Floride, où Cook possède une villa à Palm Beach, les Russes rejoignent New York. Le 13, pensant avoir mené à bien leur mission en ayant exploité au maximum les lacunes de l'économie de marché, il quitte les États-Unis pour Moscou via Amsterdam. En réalité, leurs agissements irréprochables sur un plan de stricte stratégie commerciale handicapent gravement les classes laborieuses américaines qui seront à la fois les principaux bailleurs de fonds et les premières victimes de l'opération. Mais l'extrême ingéniosité dont Belousov et ses compagnons ont fait preuve est partiellement annulée par les nouvelles qu'ils recueillent dès leur arrivée à Moscou. Les estimations des experts soviétiques ont été beaucoup trop optimistes. Le déficit céréalier atteint en réalité 60 millions de tonnes. Et le volume des contrats ramenés des États-Unis ne permet pas d'assurer un approvisionnement suffisant. Le 29 juillet, Belousov et Kalitenko réapparaissent au Hilton après un crochet par le Canada où ils se sont assurés 3 500 000 tonnes. En l'espace de 3 jours, ils rachètent 300 000 tonnes à Cook Industries, 1 500 000 tonnes à la Dreyfus Company, 1 million de tonnes à Cargill et 550 000 tonnes au groupe suisse Garnack Grain Company. C'est une véritable situation de vaudeville. Chaque compagnie s'est engagée dans de délicates opérations pour obtenir le blé nécessaire, sans compromettre la stabilité du marché, tout en ignorant les quantités vendues par ses concurrents et le montant total des achats soviétiques. 20 décembre 1972. Les premiers bateaux parviennent à Odessa, Riga et Leningrad. Les ports sont engorgés, l'équipement vétuste, le blé attend et pourri sur place. La logistique russe ne suit donc pas. Mais pendant ce temps, les cours des céréales et des frettes ont considérablement augmenté. Le tiers-monde fera les frais de l'opération montée par les États-Unis et l'Union soviétique. Les membres du Comecon ne verront pas un grain des 20 millions de tonnes achetées par leur grand protecteur. Celui-ci renouvellera d'ailleurs cette opération en 1975. Et là, pour régler les Américains, les Russes devront refaire leurs réserves et exigeront de leurs amis et alliés qu'ils payent leurs dettes en dollars. Le blé apparaît comme une arme extraordinaire. Est-ce vraiment son rôle dans notre alimentation qui lui confère cette importance? Et d'ailleurs, quels sont les aliments qui contiennent du blé? Pour un Français, il y a d'une part, il y a d'abord du pain. Bon. Puis il y a ce qui va avec le pain, c'est-à-dire il y a la pâtisserie, il y a les biscottes, il y a tout un tas d'aliments qui se sont introduits récemment sous l'influence américaine, les céréales au petit déjeuner, tout ça. Bon, tout ça, c'est simple parce que c'est du blé ou d'autres céréales directement transformées et visibles. Enfin, visibles parce qu'effectivement, on le voit dans son bol, ou bien parce qu'on sait depuis toujours que le blé fait de la farine et que ensuite le meunier le porte chez le boulanger. Donc tout ça, c'est clair, c'est du blé et des céréales. La grande révolution technique, commerciale et dans les consommations, c'est de faire manger des céréales et même du blé à l'occasion sous forme de cochon et de poulet. C'est une vieille histoire. Bon, au 19e aussi, on donnait toujours du grain aux poules. Mais on le donnait d'une manière très, très artisanale. Enfin, on les laisse aussi courir dans la cour et puis ramasser des petits vers et autre chose. Bon, on s'est mis dans l'entre-deux-guerres et on a fini par gagner dans les années 50 à pouvoir élever les poulets d'une manière extrêmement artificielle, en les mettant même au départ dans des petites cages pour pas qu'ils bougent, et puis en leur apportant le blé ou le maïs sous des formes tellement adaptées à leurs besoins de croissance qu'ils se sont mis à grandir très vite, ce qui permet de manger des poulets tout petits ou en tout cas très jeunes, même s'ils sont assez gros. À ceci près que quand on mange des céréales sous forme de poulet ou sous forme de cochon, on mange en même temps des protéines végétales qui ont été apportées à ces animaux-là parce qu'ils ne peuvent pas fabriquer leur propre chair s'ils ne mangent que des céréales. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on mange des céréales directement sous la forme traditionnelle et indirectement sous la forme d'animaux qui digèrent ces céréales en digérant en même temps des aliments protéiniques comme le soja, aliments protéiniques que, dans le cas de la France par exemple, on achète à l'extérieur. Ce n'est pas seulement le cas de la France, c'est aussi le cas et le problème de la Pologne ou de l'URSS. C'est le cas et le problème de beaucoup de pays sous-développés. Alors voilà donc une humanité qui mange des céréales sous deux formes, des céréales directes et puis de la viande. Pas n'importe quelle viande. On ne sait pas tellement faire du bœuf à partir de céréales. On ne le fait pas bien. Il faut déjà avoir un veau et puis il faut que le veau ait déjà pas mal grandi pour que dans les derniers mois, on puisse lui donner des céréales et du soja pour qu'il devienne un gros bœuf. Par contre, on sait très bien prendre un poussin d'un jour ou un cochon de 8 jours, le mettre dans une cage et puis le transformer des kilos de céréales et des kilos de soja en kilos de cochon ou en kilos de poulet. Alors ça, c'est intéressant parce que, d'une part, ça permet de gagner de l'argent et d'autre part, et d'ailleurs c'est lié, ça permet de satisfaire un vieux rêve de l'humanité, quoi. Les textes de littérature les plus anciens, comme ce qu'ont toujours espéré les gens, c'est de pouvoir manger de la viande au jour de fête. Enfin, c'est vrai qu'on est dans le fond les héritiers d'une espèce de chasseur, quoi. On est installé dans l'agriculture que depuis quelques dizaines de milliers d'années. Au départ, les jours de fête, c'était les jours où on avait attrapé un gros bison, quoi. Et on pouvait le manger. Alors c'est peut-être ça qui nous a permis d'espérer pendant des dizaines de milliers d'agricultures misérables d'avoir un jour assez de viande pour en manger tous les jours, comme si tous les jours c'était une bonne chasse. À l'heure actuelle, en France, si on prend la quantité globale des viandes achetées par les ménagères et si on le divise par le nombre total des gens vivant en France, on tombe sur quelque chose comme 250 grammes par jour. Bon, si on pense que très souvent les beefsteaks font entre 100 et 150 grammes, ça veut dire qu'en moyenne, tous les Français ont de quoi manger une portion de viande à midi, une le soir. Alors bien sûr, il y en a qui n'en mangent pas, puis d'autres qui en mangent 500 grammes, ça c'est vrai. Mais globalement, on a les moyens techniques de fournir de la viande tous les jours aux gens. Pourquoi ? Parce qu'on a les moyens de transformer à toute vitesse des céréales, et donc du blé, en produits animaux. Mais peut-on dire que la quantité de blé consommée par un peuple est un révélateur de son niveau de vie ? Autrement dit, est-ce que le blé est devenu, dans la société moderne, la nourriture du pauvre ? Si vous voulez, à l'heure actuelle, les pays développés, qui font environ 20% de la population mondiale, consomment 35% des céréales mondiales. Beaucoup à part de leur propre production, puis ensuite à partir des importations dont on a parlé. Les pays à économie planifiée qui font 31% de la population mondiale consomment 28% des céréales. Et puis les pays en voie de développement qui font 50% de la population mondiale consomment 37% de céréales. Alors là, c'est assez amusant parce que, vous voyez, les pays développés qui sont pas beaucoup consomment presque autant de céréales que les pays sous-développés qui, eux, sont beaucoup. Bon, alors, c'est parce que la consommation se fait sous deux formes différentes. Si vous voulez, les pays à économie planifiée sont dans le milieu parce qu'ils ne sont pas encore réussis à fournir assez de céréales transformées en viande comme nous l'avons fait. Mais ils ne sont déjà plus des pays en voie de développement. 37% des céréales mondiales, c'est-à-dire 190 kilos par tête et par an, dans les pays en développement. Ça veut dire en gros 500 grammes de céréales par jour. C'est la base alimentaire de l'humanité agricole depuis le néolithique. On mange son quignon de pain et puis c'est tout ce qu'on a. C'est ce qu'avait le charpentier parisien en 1870 quand il s'est révolté parce qu'il trouvait que ça ne suffisait pas et qu'il voulait un bout de gras dessus, quoi. Bon, ben ça, c'est la règle des pays sous-développés. Les pays économie planifiée, eux, mangent 390 kilos par tête et par an de céréales. Ils ne sont pas contents parce qu'ils en mangent encore, disons, 500 grammes sous forme de pain et qui n'ont que 500 grammes à transformer en viande. 500 grammes à transformer en viande, ça veut dire, faut diviser à peu près par 6 ou 7. Disons, ça fait combien ça? 500 divisé par 7, ça fait 70 grammes de viande, en gros. Alors voilà des gens qui ont 500 grammes de pain et 70 grammes de viande. Bon, enfin, ça veut dire qu'il y en a qui en ont beaucoup et d'autres pas, c'est sûr. Mais enfin, les chiffres globaux donnent ça. Ils sont pas contents, pourquoi? Pas parce qu'ils meurent de faim. Ils les ont, les 500 grammes qui leur permettent de vivre. Mais parce qu'ils voudraient manger seulement 200 grammes de pain et manger 200 grammes de viande. C'est le cas exact de la Pologne que j'ai visitée récemment et qui est à 70 kilos de viande par tête et par an, alors que les gens voudraient vivre comme les Français, ils ne s'en cachent pas, c'est-à-dire en manger 90 kilos par tête et par an. Alors à l'autre bout, vous avez les pays développés où chacun consomme 660 kilos de céréales par tête et par an. Je vous rappelle que les pays en voie de développement en mangent 190 kilos. Nous mangeons 6 fois plus de céréales. Mais nous mangeons 3 fois moins de céréales sous forme de céréales. Nous mangeons 100 à 150 grammes de pain par jour. Les 500 kilos par tête et par an différents, c'est transformé en cochon et en petit poulet. Alors là, tout le problème de l'alimentation de l'humanité est là, quoi. Alors ça pose un problème. Est-ce que l'humanité a les moyens de fournir 660 kilos de céréales par tête et par an à 4 milliards d'individus, de façon à ce que chacun puisse manger 250 grammes de viande par jour? Ou est-ce qu'elle n'a que les moyens de fournir 190 kilos par tête et par an, c'est-à-dire une miche de pain à tout le monde, et puis c'est tout? Ou est-ce qu'elle a même pas les moyens de faire ça? Bon, alors moi, je pense que, en raisonnant purement techniquement, on peut dire que l'humanité a les moyens de fournir plus de 190 kilos par tête et par an, même à 4 à 5 milliards de bons hommes. Parce qu'on a les moyens de passer à des rendements en céréales considérables. Pour vous, il ne s'agit donc pas d'un problème technique, mais d'un problème social. Techniquement, on a certainement les moyens de doubler les rendements dans la plupart des terres existantes, en dépensant des énergies fossiles et autres, qui sont quand même disponibles, sans en gaspiller trop à faire des trucs idiots, comme aller vite en avion, alors qu'après tout, on peut aller un peu moins vite. Je veux dire, l'humanité a les moyens techniques de donner plus que 500 grammes de pain par tête de pipe aux jeunes, aux vieux, aux femmes et aux hommes. Bon. Est-ce qu'elle en a les moyens sociaux? Ah, ça, c'est une autre chose. Et là, on retrouve l'espèce de contradiction dont on a déjà parlé. Mais techniquement, vous dites que c'est possible. Tout techniquement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas besoin d'avoir recours à des produits de substitution, à manger des algues ou à des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas du tout sûr que ce soit les moyens les plus économiques. Ça va coûter extrêmement cher. Ça va peut-être être intéressant pour les sociétés qui les fabriquent. C'est là où il y a un problème de fond. C'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut développer des marchandises que dans la mesure où ça rapporte de l'argent à quelqu'un ou à une société ou à un groupe ou à un État. Tant qu'on a cet étalon monétaire, qui est d'une très grande puissance, puisqu'il nous a permis de sortir de la misère alimentaire, on a en même temps un indicateur qui nous pousse à des solutions idiotes, biologiquement, techniquement, pour l'ensemble de l'humanité. Alors ça, c'est un grave problème que personne ne sait résoudre à l'heure actuelle. Alors on peut choisir d'organiser la pénurie de manière différente. Dans nos pays, la pénurie est organisée sur la base du portefeuille. Si vous avez de l'argent, vous mangez de la viande et les boutiques sont pleines. Quand j'étais en Pologne l'autre fois, en juillet, on m'a expliqué que les seuls qui pouvaient réellement manger n'importe quelle viande à n'importe quel moment, c'était bon, évidemment les dignitaires du régime qui avaient des magasins spéciaux et d'autre part les gens qui avaient une vieille grand-mère capable de faire la queue pendant des heures. C'est une autre façon de répartir la pénurie. Est-ce qu'elle est moins bonne? Est-ce qu'elle est meilleure? Ça dépend dans quelle place de la société on se trouve. Pour moi qui gagne pas mal ma vie, moi j'aime mieux le système français. Si j'étais mal placé en France et si j'avais une grand-mère qui pouvait faire la queue, peut-être que je préférerais le système polonais. Le même problème se pose. Dans les deux cas, on peut pas donner de la viande à tout le monde. Alors, est-ce qu'il serait pas mieux, comme dans le fond tout un courant actuel le dit, c'est de finir par se convaincre que la viande n'est pas nécessaire, qu'on peut vivre très heureux, égalitairement, fraternellement, sans viande? Ah oui, ça c'est aussi une solution. Moi je crois pas qu'elle va gagner dans l'immédiat, mais dans ce domaine on peut pas faire de pronostics. À vous entendre, Michel Gervais, on pourrait penser que les habitudes de l'homme en matière de nutrition sont immuables. Vous ne pensez pas que l'on puisse se diriger un jour vers des aliments de substitution, des aliments de synthèse, la fameuse petite pilule qui remplacera aussi bien le pain que la viande ? Il suffit pas de trouver quelque chose en laboratoire pour que ça devienne un produit social. Il faut que la société l'accepte. Si vous voulez, je vais prendre un exemple. La poudre à canon a été trouvée par les Chinois pour faire des fusées de feu d'artifice. Il y a très très longtemps, c'est jamais devenu à cette époque en Chine une arme. C'est-à-dire que c'est jamais devenu un produit social qui permettait son utilisation massive. Bon, ça l'est devenu en Europe parce que nous, quand on l'a trouvé, ça nous intéressait. Pourquoi ? C'est pas que les Chinois sont meilleurs que nous. C'est que la structure sociale en Chine n'avait pas besoin de ça pour maintenir l'autorité centrale. Nous, on en avait besoin au moment de la féodalité pour casser les murs des châteaux forts. Bon, ben, d'une manière analogue, si vous mettez au point, je sais pas moi, aujourd'hui un moteur à eau, moi je pense qu'il aura beaucoup de mal à s'implanter parce que il y a effectivement des intérêts investis dans le pétrole qui le permettront pas. De même pour l'alimentation, vous pouvez toujours trouver demain l'algue miracle qui fait des beefsteaks à goût de beefsteak. Il faudra d'abord payer les agriculteurs pour plus qu'ils produisent de bœuf, les bouchers pour qu'ils développent le beefsteak d'algues, puis tout le monde, quoi, je veux dire, et convaincre les gens. Le futurisme scientifique, c'est pas une solution. Il y a des problèmes techniques disponibles, et puis il y a des problèmes sociaux à résoudre comme tels. Et peut-être que le blé, dans la mesure où il est à la fois du blé et de la viande, est un excellent révélateur des conflits sociaux et des difficultés à organiser une société meilleure. Dire que tout le monde ne mange pas la même quantité de viande, c'est un fait. Mais le plus dramatique, c'est tout de même qu'à notre époque, il y a encore une partie considérable de l'humanité qui souffre de famine chronique. Et qui plus est, ce n'est pas un phénomène en régression, je crois, René Dumont. Eh bien, la faim dans le monde est en voie, hélas, d'expansion. On peut dire qu'actuellement, d'après ce que nous dit la FAO, l'Organe des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qu'il y a au moins 1 milliard d'hommes qui sont sous-alimentés à des degrés divers. Et dans ce milliard d'hommes, il y a 500 millions d'hommes qui sont très largement, très gravement sous-alimentés. Et gravement sous-alimentés au point qu'il y a une surmortalité due à la malnutrition et la sous-alimentation. La FAO estime qu'il y a ainsi un décès supplémentaire qui ne devrait pas avoir lieu, en condition normale d'alimentation, de 5 millions de personnes par an, donc de 12 000 personnes par jour. Alors quand je lisais dans les journaux, au moment de l'affaire Schleyer, du baron Empin, de M. Aldo Moro, qu'un homme blanc, riche et puissant était menacé pendant jour après jour, la presse, la radio, la télévision, tous les mass médias en parlent abondamment. Et quand il y a 12 000 pauvres, paysans pauvres, ouvriers agricoles, habitants des bidonvilles, qui meurent tous les jours, comme ce sont des pauvres, comme ils sont colorés, noirs, bruns, rouges ou jaunes, on n'en parle pas. Alors, je n'ai pas, désapprouvé d'avoir parlé du sort du baron Empin, mais que l'on parle si peu de ces morts de faim quotidiens me paraît être un scandale. Et pour vous, Michel Gervais, ce n'est pas un scandale ? Si, c'est scandaleux. Ce n'est pas catastrophique au point où on le dit. Ce n'est pas une espèce de fatalité qui nous condamne à une espèce de famine qui va bientôt nous saisir tous. C'est un problème d'organisation sociale qui doit tenir compte des moyens de production nouveaux et les adapter à des objectifs forcément plus égalitaires parce qu'on connaît mieux le monde dans lequel on vit. Mais quelle solution peut-on entrevoir à ce problème de la famine ? Alors, les solutions de la faim dans le monde, il faut voir pourquoi il y a faim dans le monde et pourquoi il y a situation alimentaire difficile dans l'ensemble des pays du tiers-monde. C'est une très vieille histoire qui mériterait un long exposé. La colonisation, quand elle s'est établie sur la majorité des territoires tropicaux, les colonisateurs étant les Français, les Belges, les Néerlandais, les Anglais, même les Allemands, cette colonisation a dirigé l'économie de ces pays, alors colonies, aujourd'hui tiers-monde, dans l'intérêt des métropoles, c'est-à-dire qu'on y a développé les cultures d'exportation, on y a développé les plantations de sucre et des épices d'abord, plus tard des belles plantations de canne à sucre, après le canne à sucre, des belles plantations de palmiers à huile, de caoutchouc. On y a développé la culture du coton, on y a développé la culture des oléagineux, l'arachide au Sénégal, le copra en Océanie, etc. Toutes ces cultures d'exportation ont été réalisées aux dépens des cultures vivrières, aux dépens des cultures céréalières. Ces cultures d'exportation ont pris les terres les plus fertiles, ont pris les bois les plus valides, tout ceci aux dépens des céréales, donc tout ceci a aggravé la faim dans le monde. On pouvait espérer que les pays indépendants, après 1960 par exemple l'Afrique francophone, auraient orienté leur agriculture vers la satisfaction prioritaire des besoins alimentaires de la masse de leur population, spécialement de la masse paysanne, donc auraient donné la priorité aux cultures vivrières et spécialement aux céréales. Alors là, il ne s'agit plus seulement du blé, il s'agit plus même surtout du blé, mais surtout du riz en Asie, du mil et du sorgho en Afrique, du maïs en Amérique du Sud. On aurait espéré que ces céréales allaient recevoir la priorité, que par conséquent, la faim aurait reculé. Mais il n'en a pas été du tout ainsi. Pourquoi ? Parce que les élites installées au pouvoir, notamment par nous en Afrique francophone, ont voulu vivre comme nous de la vie American way of life, le niveau de vie américain, ou tout au moins le niveau de vie européen, trop coûteux pour des pays trop pauvres. Ils n'ont pu atteindre ce niveau de vie. Les élites au pouvoir n'ont pu atteindre ce niveau de vie que pour elles seules, et non pas pour la masse de la population comme en Europe, mais n'ont pu l'atteindre que en accaparant la plus grande partie de l'aide extérieure, qui n'a pas profité aux campagnes par conséquent, et en exploitant leurs paysans. Comment ? Ils ont exploité leurs paysans par les taxes de sortie sur les cultures d'exportation. Et par conséquent, ils ont continué à favoriser les cultures d'exportation, l'arachide au Sénégal, le coton en Haute-Volta et au Tchad, le café et le cacao en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. En favorisant ces cultures d'exportation, ils ont pu prélever des taxes d'argent dépensé en ville. Et alors voici ces pays du tiers-monde où seulement les villes, seulement les capitales se développent, où les campagnes sont en situation de plus en plus difficile. Je reviens de Haute-Volta, où la capitale Ouagadougou est très riche, où l'aide extérieure augmente la richesse de la capitale et ne profite pas du tout aux campagnes. C'est-à-dire que l'aide extérieure ne conduit pas ces pays vers l'indépendance alimentaire, base de l'indépendance politique. Elle les enfonce dans l'indépendance. Alors ces pays du tiers-monde sont de plus en plus endettés. Les voici avec 250 milliards de dettes. N'ont pas d'argent pour acheter les céréales et leur déficit céréalier est plus important. La faim augmente, le déficit augmente. Voici ces pays du tiers-monde qui sont de plus en plus dans la dépendance politique, économique donc politique, des pays grands exportateurs de céréales, qui sont surtout les États-Unis, mais aussi le Canada, l'Argentine, l'Australie et, dans une certaine mesure, la France. Alors, la France pourrait avoir un rôle à jouer important en augmentant ses exportations de céréales et en enlevant aux États-Unis la tentation d'abuser de leur position d'exportateur principal. Nous pourrions ainsi avoir, avec le tiers-monde, des liens qui ne soient plus seulement des liens de se conciliant les élites au pouvoir, mais favorisant la meilleure alimentation de la masse des populations. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste en ce qui concerne l'avenir ? La faim dans le monde, si les gouvernements du tiers-monde veulent pratiquer une politique en faveur des masses déshéritées, en faveur de leurs paysans, on pourrait raisonnablement arriver à une belle situation. Mais ces élites au pouvoir, ces minorités privilégiées urbaines au pouvoir, veulent maintenir d'abord leurs privilèges. Et nous les soutenons. Nous soutenons au Tchad par l'armée française, au Zaïre par l'armée française. Nous les soutenons parce que ces gouvernements nous autorisent à piller les réserves minérales du tiers-monde. Actuellement, on va chercher le fer en Mauritanie. On n'a pas beaucoup parlé en Lorraine du fait qu'il existe 40 milliards de tonnes de minerai de fer en Lorraine, dans le sous-sol. Mais on va chercher le minerai de fer en Mauritanie parce qu'on le sous-paye à la Mauritanie. Ça revient moins cher d'aller piller les réserves minérales du tiers-monde. Alors, si le tiers-monde n'a pas les moyens d'acheter les céréales, si le tiers-monde est endetté, c'est parce que nous avons sous-payé les matières premières agricoles, sous-payé les matières premières minérales. On a sous-payé le thé, le café, le cacao. On a sous-payé le minerai de fer ou la bauxite, le minerai d'aluminium. Et les dettes que l'on dit que ces pays ont vis-à-vis de nous sont en réalité le produit du vol qu'on a fait. On leur a fait surpayer les biens d'équipement ou les biens de consommation fabriqués chez nous. Et on a sous-payé leurs matières premières. Alors, la faim augmente parce que leurs moyens d'achat vont constamment diminuant. Alors, il suffit de savoir si on pratiquera une autre politique. Dans la prolongation de la politique actuelle, je serai foncièrement pessimiste. C'était l'épopée des matières premières, une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Aujourd'hui, le blé, avec la participation de René Dumont, écrivain écologiste, de Michel Gervais, maître de recherche à l'Institut national de recherche agronomique, et de Hélène Delorme, assistante à l'INRA. Prochaine émission, le bois.